8 août dernier, une nouvelle espèce de galaxie a fait son apparition dans le panthéon cosmique, les galaxies noires. Pourquoi noires ? Eh bien parce qu'elles recèlent encore énormément de poussière qui empêchait leur détection jusqu'à présent. Ces galaxies sont un chaînon manquant dans notre conception de l'univers, très massive et très lointaine. Elles doivent nous permettre de comprendre la formation des galaxies assez peu de temps après le Big Bang et leur évolution jusqu'à nos jours. Bref, c'est un peu comme si l'on venait d'ouvrir les portes du Jurassic Park de l'astronomie. Galaxie noire, c'est pas si clair, c'est le programme primordial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remonter donc l'histoire du cosmos jusqu'à ces galaxies primordiales et bien mystérieuses en effet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui David Elbaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-signataire de cette étude parue le 8 août dernier dans la revue Nature. Vous nous en direz évidemment plus qu'un mot. Vous êtes astrophysicien également au CEA. Et bonjour à vous, Philippe Salomé. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris au sein du LERMA, c'est le laboratoire d'études de la matière et du rayonnement en astrophysique et atmosphère. Mais avant de partir aux confins de l'espace et du temps, nous restons encore quelques minutes, les deux oreilles ancrées dans le présent pour les dernières nouvelles de la science avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et l'événement scientifique du jour, c'est ce rapport de Santé publique France, publié donc tout à l'heure. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans l'organisme de tous les Français. Ce sont les résultats de l'enquête Esteban lancée en France entre 2014 et 2016. Elle a étudié 1104 enfants et 2503 adultes et a cherché, dans les urines ou les cheveux, les traces de perturbateurs endocriniens. Les PE, qu'on appelle aussi les polluants du quotidien, car on les trouve dans l'alimentation et les cosmétiques. Bisphénol, parabènes, éther de glycol, par exemple, de nombreux travaux ont déjà montré que leurs effets sur la santé étaient préoccupants, voire cancérigènes. 70 biomarqueurs ont été traqués. On en trouve chez tout le monde, les adultes et surtout les enfants. L'étude parle d'une valeur de référence d'imprégnation significative. Ce sont des niveaux d'imprégnation similaires aux autres pays européens. Robert Barouki est biochimiste et toxicologue à l'INSERM et à l'Université Paris-Descartes. Pour lui, ce type de résultat appelle à mener d'autres examens pour bien évaluer les risques sanitaires. On a maintenant une véritable photo de l'état d'imprégnation de la population française. Ça veut dire qu'on est contaminé par ces substances. Ensuite, il faut évaluer ce niveau de contamination par rapport à ce qu'on sait sur la toxicité de ces substances. Mais ça révèle une imprégnation. Donc, si vous voulez, une seule photo, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Maintenant, il y a un autre aspect qui est très important, c'est de savoir dans quelle mesure ces taux sont inquiétants ou pas. Inquiétant dans le sens sanitaire, je veux dire. C'est-à-dire, il faudrait arriver, grâce à d'autres types d'études, hein, des études plus toxicologiques, à évaluer les valeurs de référence sanitaire. Puis, il y a des valeurs seuils qu'on doit calculer. Ce sont des calculs un peu sophistiqués qui vont permettre de déterminer des valeurs seuils et de dire si le taux d'imprégnation de la population, c'est-à-dire ce qu'on a dans notre sang, dépasse ou pas les valeurs seuil sanitaires et donc doit être inquiétant ou pas. Il existe pour certaines des substances étudiées là une idée des valeurs seuil, donc il va falloir aller les comparer et voir dans quelle mesure certaines parties de la population dépassent ou pas ces valeurs seuil. Il est évident que s'il y a un dépassement de valeurs seuil, c'est une incitation encore plus forte pour dire il faut prendre des mesures assez radicales pour baisser ce taux d'imprégnation. Et on passe au bref du jour. Hier, sur la face cachée de la Lune, le rover chinois Yutu 2 a détecté une bien étrange substance en effet. Une substance qui se trouve au fond d'un cratère et l'agence spatiale chinoise a décrit un gel brillant à la couleur inhabituelle. Le rover l'a photographié et à première vue, ça ne ressemble pas du tout à du régolithe lunaire. Le calendrier de la mission Change 4 vient d'être modifié pour l'analyse de cette matière. Elle serait peut-être le fruit d'un impact avec un astéroïde. Pour identifier sa composition chimique, une analyse spectrométrique est en cours. jour. Dans une étude parue dans The Geophysical Research Letters, une équipe internationale de géologues a trouvé de l'eau douce à l'intérieur de la mer de Norvège. Près de l'archipel des Lofoten, au nord de la Norvège, cette équipe a observé des fuites d'eau douce provenant d'une fissure à 800 mètres sous le niveau de la mer. Les géologues ont prélevé des échantillons. Ce phénomène aurait commencé lors de la dernière période glaciaire. À cette époque, les épaisses calottes glaciaires qui enveloppaient la Norvège se sont abattues sur la croûte terrestre, ce qui aurait entraîné, dans les fissures des fonds marins, de grandes quantités d'eau de fonte. L'eau serait restée piégée dans les sédiments jusqu'à aujourd'hui. Et on termine avec une étude parue hier dans The Journal of Neuroscience. Les pratiques d'élevage ont modifié la structure cérébrale des chiens. Et ça fait des siècles que l'humain pratique l'élevage sélectif et que des lignées de chiens sont élevées pour différentes tâches, la chasse, la garde de troupeaux, etc. Est-ce que ces pratiques ont eu un impact sur la structure cérébrale du chien? C'est la question posée par les neuroscientifiques de l'évolution de l'université Harvard. Ils ont fait passer des IRM à une soixantaine de chiens de 33 races différentes. Résultat, des variations neuro-anatomiques sont clairement visibles d'une race à l'autre. Et ce sont des variations qui ne dépendent pas simplement de la taille totale des cerveaux. On observe bien une corrélation entre l'anatomie cérébrale des chiens et leurs traits de comportement. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences que vous pouvez réécouter en différé sur franceculture.fr, podcasté via l'application notamment de Radio France et que vous pouvez suivre également en complément avec des liens vers toutes les études que nous venons de citer sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc. Il est 16h05, il est 16h07, c'est donc pas 16h05, il est 16h07 déjà. A dominant population of optically invisible massive galaxies in the early universe, que l'on pourrait traduire par une population dominante de galaxies massives optiquement invisibles dans l'univers primordial. Tel est le titre de l'article que vous avez co-signé David Elbaz avec Tao Wang et Corentin Schreiber dans l'édition du 8 août de la revue Nature. Et chaque mot est intéressant dans ce titre, outre l'aspect d'invisibilité optique, puisque ces 39 galaxies ont été détectées dans le domaine millimétrique par le télescope par interférométrie ALMA, on y reviendra dans un instant. Le mot peut-être le plus intéressant, à mon sens en tout cas, est dominant. Ces galaxies noires seraient en effet extrêmement nombreuses et on devrait d'ici peu en observer en quantité pléthorique. Il faut dire que la formation des toutes premières galaxies après le Big Bang reste encore très énigmatique. Écoutez ce qu'en disaient les grandes aventures de la science moderne sur France Culture en 1976. Ce que les astronomes ont fait, ils ont cherché à suivre le temps dans son déroulement naturel et a essayé, à partir de cette hypothèse, d'imaginer comment les galaxies s'étaient formées. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, en suivant le temps, alors on va dans l'autre sens que tout à l'heure, n'est-ce pas ? En remontant le temps, oui. En descendant le temps, maintenant. Ah, c'est descendant le temps. Descendant le temps, oui. La densité diminue, la température baisse. L'hydrogène se recombine, et à ce moment-là, il peut se condenser en objet. C'est l'époque de la formation des galaxies. Et à cette époque-là, l'univers avait seulement une centaine de milliers d'années d'âge. Alors que depuis la période où il était très chaud et très dense. Ah oui. Alors la qui elle-même a dû durer très très peu de temps. A duré qu'une fraction de minute ou même fraction de minute essentiellement. Oui, c'est ça. Cet univers donc vers l'époque 100 000 ans se sépare en objets distincts qui seront les futures galaxies. Et des sortes de grumeaux. Des sortes de grumeaux qui eux-mêmes vont continuer à évoluer, vont eux-mêmes subir des condensations internes qui produisent les amas et les premières étoiles, la première génération d'étoiles. Et ces objets sont devenus vraiment des galaxies à une époque où l'univers a environ 100 millions d'années d'âge. Voilà, extrait des grandes aventures de la science moderne sur France Culture. Nous sommes donc en 1976. Peut-être un mot l'un et l'autre, David Elbaz, Philippe Salomé, sur cette archive. Est-ce que aujourd'hui, c'est la formation, alors sans parler encore des galaxies noires, on va y revenir, mais ces stades initiaux des galaxies sont encore relativement troubles, mystérieux, obscurs, sans faire de mauvais jeu de mots, Philippe Salomé? C'est intéressant parce qu'on voit qu'à cette époque, on se posait la question de comment s'organise l'univers déjà. Et aujourd'hui, on a à notre disposition de nombreux instruments très puissants, beaucoup plus nombreux que ce qu'on avait à l'époque. Et on a accès à une quantité de données phénoménale, fantastique. Et avec ça, on arrive à avoir beaucoup de contraintes sur la formation de ces structures qui sont composées essentiellement de galaxies, mais il y a des grands vides, des murs cosmiques, des filaments. Et les galaxies sont des petites parties de ces grandes structures qui nous apprennent un petit peu comment l'univers s'est construit, a évolué, s'est structuré justement à partir du fond diffus cosmologique dont on parlait en 76 et dont on a une belle image avec Planck aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui on va parler un peu de la généalogie de ces galaxies et comment elles évoluent et elles se forment. David Elbaz. Oui, oui, tout à fait. En même temps, il y a quelque chose de nouveau par rapport à avant. C'est dans la vision qui a été décrite dans cette émission, les galaxies se formaient elles sont devenues adultes il y a 100 millions d'années. Et ça, c'est très lié au fait que, alors, en 1976, on ne connaissait pas une seule galaxie, je pense, qu'il soit plus lointaine que 8 milliards d'années-lumière de nous. On rappelle que l'univers en a 14. Voilà exactement. Titre de comparaison. On avait fait la moitié du chemin. À peu près. Il en a même 45 milliards d'années-lumière parce qu'il a grandi pendant les 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang. Mais donc, effectivement, vous avez raison. Donc, c'est à peu près la moitié de l'âge de l'univers sur lequel qu'on avait un peu exploré. Et encore, on avait une poignée de galaxies à cette époque-là. Maintenant, on a des centaines et des milliers de galaxies connues sur les 13 milliards d'années sur lesquelles on couvre ça. Et donc la vision est différente, en particulier cette idée selon laquelle les galaxies sont devenues mûres il y a 100 millions d'années est aujourd'hui beaucoup questionnée. Alors expliquez-nous peut-être pour commencer en quelques mots la nature de cette découverte, David Elbaz, cet article que vous avez signé début août. Ces galaxies noires, on les attendait depuis un certain temps, on a pu les observer. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça fait partie d'une enquête qu'on mène depuis des années et des années. Quand je dis on, c'est à l'échelle internationale, c'est une communauté scientifique qui travaille ensemble et qui bénéficie à chaque fois, comme disait Philippe, d'une avancée majeure quand il y a un nouveau télescope. En cours, disons que la surprise, il y a eu deux grandes surprises avec ces résultats-là qui ont été publiés. C'est d'une part qu'on avait des galaxies adultes aussi massives que la Voie lactée, non pas 100 millions d'années dans le passé, mais 12 milliards d'années dans le passé. Et ça veut dire qu'en 1 à 2 milliards d'années, l'univers a su fabriquer des galaxies adultes, géantes, mûres, avec toutes leurs étoiles, en un temps qui est très court. Ça, c'est un défi. Et il en existait quelques-unes, mais le deuxième point qui est marquant, c'est que on se rend compte qu'elles sont nombreuses, comme vous le disiez, et qu'en réalité, ces galaxies qui se sont révélées être optiquement noires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans les images du télescope spatial Hubble, c'est des régions tout à fait noires, on voit rien, c'est la nuit noire, ces galaxies-là sont révélées être la population dominante par un facteur 10 à 100. Donc, tout d'un coup, on a une vision globale du fait que il y a eu beaucoup de galaxies massives qui sont nées à cette époque-là, très tôt, et donc c'est un défi pour notre compréhension des choses. Comment se fait-il qu'on... Alors, vous l'avez dit, elles sont noires, mais on peut néanmoins les voir, et on va en reparler dans d'autres domaines que ceux du visible, en l'occurrence le domaine millimétrique, mais pourquoi ne les a-t-on pas vues avant? Pourquoi est-ce que c'est une surprise d'un seul coup de trouver ces 39 galaxies dans cet endroit dont vous nous reparlez? Alors, une des raisons, c'est que, en fait, si on regarde la Voie lactée, n'importe qui peut faire cette expérience, quand vous regardez la Voie lactée de nuit, et encore mieux dans l'hémisphère sud, on voit des étoiles, donc c'est cette bande laiteuse qui traverse le ciel, mais on voit aussi des régions où il n'y a pas d'étoiles. Les premières images qui ont été faites de ça par un astrophotographe qui s'appelait Ed Barnard, il a écrit sur ces régions-là, il a dit il y a des trous dans la Voie lactée. Et l'éditeur a dit ça ne peut pas être des trous parce qu'il n'y aurait pas d'étoiles devant et pas derrière. Et effectivement, ce qu'il croyait être des trous en réalité étaient des régions plus opaques que les autres dans lesquelles sont logées les étoiles qui viennent de naître, qui sont 10 000 fois plus lumineuses que les autres. Et donc la majorité de la lumière de notre galaxie est dans des régions noires. Et si maintenant on étend ça à des galaxies lointaines, on s'aperçoit que les étoiles naissent dans des régions qui sont nécessairement plus concentrées, plus compactes, avec la poussière d'étoiles qui absorbe leur lumière et qui sont optiquement invisibles, c'est-à-dire que leur lumière visible et ultraviolette ne ressort pas. Cette lumière chauffe la poussière d'étoiles et elle est chauffé à moins 240 degrés, mais qui dans l'espace froid rayonne dans l'infrarouge et donc dans les longueurs d'onde d'ALMA. Alors pourquoi seulement ALMA, c'est le télescope, le radiotélescope. Et pourquoi seulement maintenant? Juste un dernier point, c'est juste que ces longueurs d'onde, c'est-à-dire les particules de lumière qui sont rayonnées, sont tellement grandes que, en fait, nos télescopes, il faut des télescopes gigantesques pour arriver à faire une image précise à ces grandes longueurs d'onde-là. ALMA a la force de combiner une soixantaine d'antennes pour faire ça. Et donc, avant ALMA, on n'avait pas la capacité de voir dans ces grandes longueurs d'onde-là avec une précision suffisante pour identifier ces galaxies. Et dernière question, et puis on va reprendre un peu le fil et essayer de comprendre justement tout le processus de formation des galaxies et dans l'histoire de l'univers, un peu in extenso. Pourquoi cette analogie que je vous ai empruntée dans la présentation de l'émission, pourquoi dites-vous que c'est comme si on avait ouvert les portes d'un Jurassic Park cosmologique? Oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, on avait, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on n'avait pas des indices que ces galaxies devaient exister, est-ce qu'on s'y attendait ou pas? Alors, un des indices, c'est qu'on avait trouvé des squelettes de galaxies, un peu comme des squelettes de dinosaures, qui sont des galaxies qu'on appelle mortes, dans le sens où elles ne donnent pas naissance à de nouvelles générations d'étoiles, qu'on appelle les galaxies elliptiques mortes, qui sont donc des squelettes, qui sont très massives et dont on ne connaissait pas les ancêtres. Il y avait deux théories. Une théorie qui disait, eh bien, ces galaxies sont le résultat de la fusion de plein de petites galaxies mortes. En d'autres termes, vous trouvez un squelette de dinosaure, c'est soit un animal qui a existé dans le passé, un dinosaure, soit l'accumulation de 4 ou 5 ou 6 chevaux qui sont morts là à côté des autres. Mais tant que vous n'avez pas vu l'animal vivant, vous ne le savez pas. Et là, ce qu'on voit, c'est les monstres vivants, les géantes vivantes. Dans le passé, c'est l'époque des dinosaures. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous allons donc parler de ces galaxies noires. Nous allons plonger dans ce Jurassic Park cosmologique avec Philippe Salomé et David Elbaz. Peut-être, comme je le disais, avant d'aller plus loin, on va reprendre un peu les bases de ce que sont les galaxies, de l'état de nos connaissances à propos des galaxies et surtout à propos de leur formation. Philippe Salomé, on peut le dire, David Elbaz vient de l'évoquer rapidement. Jusqu'à présent, on connaissait deux grands types. Alors trois, si on ajoute les galaxies régulières, mais essentiellement deux grands types de galaxies. Les galaxies spirales, comme la nôtre, comme la Voie lactée, et les galaxies elliptiques. Oui, on connaît bien les galaxies dans l'univers local. On les observe très bien avec des télescopes spatiaux ou des télescopes au sol. On connaît leur morphologie, on connaît aussi leurs propriétés, on connaît leur masse, on connaît leur taux de formation d'étoiles, à quelle vitesse elles vont fabriquer des soleils au cours des ans. Et effectivement, donc il y a morphologiquement, on peut séparer des galaxies, il y a plusieurs classes de galaxies, des galaxies elliptiques, des galaxies donc plutôt éteintes qui vont pas former beaucoup d'étoiles, des galaxies spirales qui elles par contre vont former pas mal d'étoiles, puis des galaxies irrégulières. Donc ça c'est ce qu'on voit dans l'univers proche, tout près de nous. Maintenant ce qu'on sait aussi c'est que si on part un petit peu plus loin et qu'on accède à des tranches d'univers un peu plus éloignées, grâce au redshift, au décalage spectral, donc à l'expansion de l'univers qui décale les fréquences vers le rouge, voilà, du rayonnement qui est émis par les étoiles ou par le gaz qui est dans ces galaxies, et ben on voit que ces galaxies sont différentes à plus grand redshift. Dans le passé, elles n'ont pas toutes la même morphologie. Elles vont être peut-être plus grumeleuses, parfois plus compactes. Elles vont aussi changer en fonction de leur distance. Et on commence avec ces exemples qui sont de plus en plus nombreux à avoir une bonne idée du portrait des galaxies à différentes époques. Et à partir de là, les travaux qui sont menés, c'est d'essayer de comprendre le lien de généalogie, comme je disais tout à l'heure, entre ces galaxies. Quels sont les progéniteurs de telle ou telle galaxie? Que vont devenir ces galaxies qu'on observe à telle époque? Parce que ce qu'on a, c'est que une image figée dans le temps à un instant donné. Mais on ne connaît pas le lien entre les différentes galaxies. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, pour comprendre comment l'univers s'est formé, comment il a évolué, quel est le lien entre ces différents objets. Et alors aujourd'hui, quelle est jusqu'à présent l'image de cet arbre généalogique galactique que l'on a? Quelles sont les étapes que l'on connaît? Quels sont les liens justement de parenté qu'on a pu établir? Alors ça, on sait beaucoup de choses aussi grâce aux modèles, aux théories qu'on a pu construire, et puis aux modèles de simulation numérique qui sont capables de créer des modèles synthétiques d'univers, en fait, en faisant croître les structures. On parlait tout à l'heure du CMB, du fond diffus cosmologique, qui est l'image initiale des premières fluctuations, donc des fluctuations très petites, 10-5. On est à moins de 400 000 ans. Voilà, on est autour de 380 000 ans. Et ces fluctuations, sous l'effet de la gravité, vont évoluer et vont former ces grandes structures. Donc des halos de matière noire vont se créer, vont fusionner. On peut rappeler que la particularité de ce fond diffus cosmologique, c'est son isotropie. C'est-à-dire que tout à l'époque dans l'univers est extrêmement égal. Il n'y a pas de rupture, ni de température, ni de matière. Exactement. Tout est très très bien réparti. Il est très homogène. Voilà. Il est très homogène et il est aussi isotrope. Donc il est homogène et dans toutes les directions, il est homogène, avec des toutes petites inhomogénéités, des toutes petites surdensités, et ce sont ces surdensités qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, et qu'on est capable de très bien simuler. Et dans ces puits de potentiel, en fait, de matière un petit peu plus dense, qui vont se concentrer, qui vont devenir de plus en plus denses, les structures vont se former, et les galaxies vont se former à l'intérieur de ces halos de matière noire, de ces puits de potentiel, et vont évoluer au fur du temps pour arriver à un univers qui est celui qu'on observe aujourd'hui. Et les simulations numériques reproduisent à bien des égards ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui avec les télescopes. Donc on a une bonne vision de ce qu'on pense être le scénario global de formation et d'évolution des galaxies. Maintenant, dans les détails, il y a beaucoup de petits problèmes, et c'est ça qui est intéressant. Surtout quand on regarde les mécanismes qui sont à l'intérieur des galaxies elles-mêmes. C'est-à-dire que la matière baryonique, la matière visible, les étoiles, le gaz... On rappelle que c'est juste quelques pourcents de la masse totale d'une galaxie. Absolument, c'est vraiment une fraction, puisque l'essentiel est dans la matière noire. Et quand on regarde les effets que peuvent avoir la physique de ces baryons sur l'évolution de la galaxie, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore mal comprises, comme la rétroaction. Par exemple, quand on va former des étoiles, ces étoiles, elles vont réémettre beaucoup d'énergie, et cette énergie est capable de réguler plus ou moins la formation d'étoiles elles-mêmes. Les trous noirs vont se former en même temps que les galaxies vont se former, ou on ne sait pas très bien avant, après, ou en tout cas en même temps. Il y a un lien entre la croissance des trous noirs qu'on sait être dans chacune des galaxies, et les galaxies elles-mêmes. Vous parlez du trou noir supermassif qui est au centre des galaxies. Exactement, spirales. Exactement, oui, oui. De toutes les galaxies. Et ces trous noirs vont parfois avoir des phases actives, et lors de leur activité, pareil, ils vont réémettre de l'énergie, réinjecter de l'énergie, et réguler, influencer, changer l'histoire de la formation des galaxies. David Elbaz, justement, quelles sont aujourd'hui ces apories dans cette histoire de formation galactique dans lesquelles, vont pouvoir venir se loger cette découverte des galaxies noires? Bien, dans ce scénario-là, comme vous voyez, il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on est obligé de faire. La première hypothèse, c'est l'existence de la matière noire. Par exemple, dans les premières fluctuations qu'on voit du fond diffus cosmologique, si on laisse la gravité agir sur ces petites fluctuations-là, aucune galaxie ne pourrait se former. Comme le disait Philippe tout à l'heure, les petits écarts de densité sont beaucoup trop faibles pour faire des galaxies. Pour qu'il y ait de l'agrégation, en fait, d'un seul coup. Si on laisse la gravité agir pour que la matière s'attire et qu'un petit grumeau devienne de plus en plus gros, en 13,8 milliards d'années, vous ne faites même pas une étoile. Et donc, l'idée de l'existence de la matière noire, qui ne vient pas de là, qui vient d'autres observations, est salvatrice pour toutes ces théories, parce qu'elle dit « Non, derrière ces petites fluctuations-là, il y en a des plus grosses, de matière noire, et qui vont être la clé de voûte pour expliquer la formation des galaxies. Et si nos théories arrivent à expliquer tout ce qu'on observe, alors, indirectement, on valide notre cosmologie, notre matière noire, etc. Si, par contre, on voit des tensions majeures, alors on peut être amené à douter de certains des ingrédients. Et c'est ça la difficulté, c'est de savoir à quel moment les observations confrontées aux théories sont des raffinements, ou des défis majeurs. Et ça, on est toujours un peu autour de ça. Les galaxies qu'on a découvertes, qui sont dans une logique d'une histoire, avec des étapes, etc., sont parmi les galaxies les plus massives, donc les plus gros grumeaux, et le fait qu'elles soient formées très tôt... Vous parlez des galaxies que vous venez de découvrir, on parle des 39 galaxies, galaxies noires. Et donc elles sont formées très tôt, donc ça prouve que la gravité a été très efficace. Mais dans nos modèles de formation des galaxies aujourd'hui, comme le disait Philippe, on a un problème inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que sans la matière noire, vous faites pas de galaxie, mais avec la matière noire qu'on a, qu'on suppose exister, elle est si abondante que vous faites les galaxies de manière beaucoup, beaucoup trop efficace. C'est-à-dire que toutes les galaxies auraient dû naître très, très tôt dans l'histoire de l'univers, ce qui n'est pas le cas. On peut rappeler que la Voie lactée, par exemple, à quel âge? Alors, la Voie lactée a mis typiquement 12 milliards d'années à se former de façon continue, et que s'il n'y avait pas eu d'autres mécanismes qui s'opposaient à la gravité, une sorte d'antigravité en quelque sorte, contre la matière noire, on n'aurait pas eu cette histoire. Et l'équilibre, eh bien, il est venu de ces mécanismes de rétroaction qui s'opposent, que sont les explosions d'étoiles, les supernovae, et les noyaux actifs, c'est-à-dire les trous noirs supermassifs au centre des galaxies qui rayonnent de la lumière. Et donc, toute l'histoire, c'est de savoir, est-ce que le combat entre la matière noire et essentiellement les trous noirs galactiques, c'est un combat entre deux géants, etc., aboutit à un équilibre qui correspond à ce qu'on observe, ou pas. Donc c'est ça un peu, c'est un peu comme la guerre des étoiles. Voilà. Dans une galaxie il y a très très loin. Voilà, dans un temps. C'est ça. Philippe Salamé. Oui, pour continuer là-dessus, pour donner peut-être des chiffres, pour donner des comparaisons. On disait que la Voie lactée donc a mis 12 milliards d'années pour évoluer. La Voie lactée va faire 10 puissance 10, 10 puissance 11 masse solaire. Et les galaxies qui sont observées dans ces premières tranches de l'univers vont s'être formées en 1 milliard d'années peut-être, un peu moins, donc 10 fois plus rapidement, pour des masses similaires, voire plus grandes. Et en plus, on en parlera peut-être, mais elles sont probablement compactes, donc extrêmement denses. Donc il y a un phénomène extrêmement différent qui a conduit à la formation de ces galaxies. Et c'est intéressant parce que, on le savait, on demandait tout à l'heure si cette découverte est quelque chose de complètement nouveau, si on le suspectait. On savait déjà que cette tranche de l'univers... quelques milliards d'années après le Big Bang, était probablement la période de formation de ces galaxies massives, puisque on les avait observées à un redshift de 2 autour de... Un décalage vers le rouge. Voilà, un décalage vers le rouge de 2, autour de 3-4 milliards d'années après le Big Bang. Vous savez que ces galaxies ont dû se former déjà tôt. Et on voit encore, on est en train de remonter petit à petit, de plus en plus loin, pour essayer de comprendre comment elles se sont formées, de façon vraiment... très cataclysmique, en tout cas. Très rapide, et puis surtout en très très grande abondance, et on va y revenir. Le mieux, c'est qu'évidemment, on a eu envie d'aller regarder, d'aller voir ces observations que vous avez pu faire grâce au télescope ALMA, et pour ça, nous sommes rendus eh bien, sur le campus de Paris-Saclay. Vous avez fait un peu votre rentrée en Paris-Auchan. Absolument, c'est sûr. Vous avez quasiment un lit de camp là-bas, bonjour. À Caen, finalement, un funiculaire Radio France. C'est ça, pratique. La méthode scientifique Saclay direct. Oui. Vous avez donc rencontré l'un des étudiants en thèse de David Basse qui sont les confins de l'univers en quête de ces fameuses galaxies noires. Oui, et c'est grâce aux données d'ALMA, mais aussi d'autres télescopes, que Maximilien Franco traque la présence de ces galaxies lointaines et essaie de les caractériser et de les décrire. Il m'a reçu au laboratoire de cosmologie et évolution des galaxies du CEA et il m'a expliqué pourquoi, dans les données récoltées par ALMA, on pouvait trouver une aiguille dans une botte de foin ou plutôt une galaxie noire dans une image très bruitée. ALMA va pas détecter les étoiles de la galaxie, ALMA va détecter l'émission de poussière. Les étoiles de la galaxie vont chauffer de la poussière et cette poussière va ensuite réémettre en infrarouge et c'est ce rayonnement infrarouge qu'on va détecter avec ALMA. Et une galaxie qu'on détecte avec ALMA, on peut en voir ici, ça ressemble juste à un point, une tache noire. Donc cette image est tout à fait limitée et elle ressemble aussi au bruit qui est à côté. Donc il y a un grand travail de cette thèse et de ces travaux, c'est de caractériser cette émission et de ne pas la confondre avec un bruit parasite, avec du bruit. Donc on va réaliser des simulations, on va injecter des fausses galaxies pour essayer de mesurer leur flux, voir comment elles se comportent dans ces images. Alors là, cette image-là que vous montrez, c'est une des 39 galaxies qui a été détectée et dont on a parlé dans l'article Nature ? Exactement, juste à côté, on a son image qu'on voit en visible avec le télescope Hubble et on voit absolument rien dans l'image visible alors qu'avec ALMA, cette galaxie apparaît. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'observation ALMA n'a duré que quelques minutes, 2 minutes pour cette galaxie, alors qu'elle a duré plus de 2 heures pour l'observation avec Hubble. Alors cette galaxie en particulier, qu'est-ce qu'on en connaît? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on sait son âge? Est-ce qu'on sait de combien d'étoiles elle se compose? Ce genre d'informations? Et ces galaxies sont particulières à plusieurs points de vue. Tout d'abord, elles sont extrêmement lointaines. On les voit telles qu'elles étaient 2 milliards d'années après le Big Bang, donc lorsque l'univers était très jeune, et elles sont particulièrement massives. Et c'est assez étonnant de voir des galaxies aussi massives lorsque l'univers était jeune. Ces galaxies également forment énormément d'étoiles, donc à peu près l'équivalent de 1000 masses solaires par an. Dans ce contexte-là, quels travaux de recherche vous allez continuer à mener concernant ces galaxies? Sur quel type d'études ou en tout cas de travaux vous portez maintenant? On va mesurer précisément la taille de ces galaxies. Lorsqu'une galaxie meurt, elle va changer de taille. Et on va voir comment la taille mesurée avec ALMA peut contribuer à la compréhension de cette transformation de la morphologie des galaxies. On va aussi mesurer la masse de gaz, donc les réserves de gaz. Les galaxies forment leurs étoiles en consommant leur gaz. Et on va voir quelle est la durée de vie, par exemple, de ces galaxies. Et j'en reviens vraiment à votre travail à vous, dans ces observations des galaxies lointaines. Concrètement, en quoi il consiste ce travail et comment vous levez, enfin si on lève le capot un petit peu de vos travaux de recherche, en quoi il consiste ? Bah, je peux vous montrer ici donc, vraiment l'image de ce champ Goode Sud qui a été observé avec, avec Alma. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on avait quand on allumait la télé sur une chaîne qui n'existait pas donc dans les années 90 ou 2000. C'est une image qui est très très bruitée, une image grise, des niveaux de gris, avec des oscillations dans cette image. Comment vous allez rentrer dans le cœur de cette image très bruitée pour trouver des galaxies ? Donc c'est là où tout le travail d'analyse de l'image rentre en jeu, c'est vraiment un travail statistique. On a fait des simulations, on a injecté des fausses galaxies dans cette image, on a mesuré leur flux en fonction, on a injecté des galaxies avec différents flux, différentes tailles, et on a essayé de caractériser des seuils de détection, de dire à quel moment un point un petit peu plus brillant commence à être crédible et définir vraiment sa crédibilité. Par exemple, si on se met en situation là et qu'on zoome dans cette image-là, est-ce qu'on peut trouver une galaxie ce matin ? Par exemple, juste ici, on peut voir une galaxie, une des galaxies les plus brillantes de cette image. Donc là, vous avez zoomé dans cette image très bruitée, il y a un point blanc, et donc ça, vous savez quelle galaxie c'est en particulier ? Oui, celle-ci, on la connaît très bien, c'est une galaxie qui est très lointaine, que l'on voit telle qu'elle était 3 milliards d'années après le Big Bang, et qui est une galaxie extrêmement massive. Donc cette galaxie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a relativement peu de gaz par rapport aux autres galaxies qui existent à cette époque, et on pense que cette galaxie va épuiser ses réserves de gaz relativement vite, qu'elle a un temps de vie de quelques centaines de millions d'années, ce qui est relativement court à l'échelle d'une galaxie. Question un peu de novice, mais qu'est-ce qui fait que cette galaxie soit si lumineuse, on va dire ? Pourquoi ce point est aussi clair dans cette masse de bruit ? Eh bien, ce qui est paradoxal, si elle est aussi lumineuse avec Alma, c'est qu'elle est peu lumineuse en optique, c'est qu'il y a beaucoup de poussière qui va absorber le rayonnement des étoiles, et cette poussière va réémettre. Et on pense que cette galaxie forme énormément d'étoiles. Pour la suite, alors maintenant vous allez voguer vers d'autres directions, en quoi vont consister vos travaux toujours autour des galaxies lointaines ? Je vais essayer d'observer des galaxies lointaines avec d'autres techniques, dont par exemple les lentilles gravitationnelles. On va se servir de galaxies massives qui se trouvent dans la ligne de visée de la galaxie lointaine que l'on veut observer pour amplifier son rayonnement. Voilà à quoi ressemblent ces images. Évidemment, vous pouvez les voir avec vos yeux et pas uniquement avec vos oreilles, quoique c'est parfois plus joli de voir les choses avec les oreilles, comme quand on part en Antarctique par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça, vous avez quelques images que vous pourrez retrouver sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Peut-être une réaction tout simplement, David Elbaz, à ce que vous venez d'entendre et à ces travaux-là qui sont aussi un peu les vôtres. Oui, bah en fait, c'est ça, hein, c'est que l'essentiel de notre travail, c'est de passer des années à essayer de chercher une aiguille dans une meule de foin et d'essayer de trouver ces galaxies-là, des méthodes statistiques, des analyses de traitement du signal, essayer de trouver des méthodes. En fait, le télescope est accessible à tout le monde. Il y a des centaines de gens qui travaillent dessus. Et donc, il y a aussi une compétition. Et donc, si vous voulez répondre à certaines questions, vous devez trouver l'angle le plus pertinent pour aborder ça. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut avoir des a priori. On peut penser que la science est objective et qu'elle cherche dans n'importe quelle direction. Mais en fait, si Einstein a été aussi efficace à trouver sa théorie de la relativité, c'est parce qu'il avait un a priori. Bon, bah, nous, on n'est pas capable de faire la théorie d'Einstein, mais à notre petite échelle, pour trouver des petites galaxies, enfin des galaxies, des petits points dans des images, bah, des petites galaxies, voilà, des grosses galaxies, ouais. Mais qui sont des petits points dans des images. On a aussi des a priori qu'on a essayé de tester, et Maximilien a passé beaucoup de temps à faire ça avec un très grand succès, parce que là, il est en train de publier, par exemple, deux articles avec des résultats qui sont assez importants aussi sur ce domaine. C'est vraiment notre quotidien. Les gens peut-être pensent qu'on est tout le temps le nez au cul du télescope, etc., et en train de rêver. Et en train de regarder la voûte céleste. Non, c'est des heures et des heures et des heures d'écriture, de programmes informatiques, de simulations, de calculs, de comparaisons et de tests. et d'espoir en voyant quelque chose qui se révélait en réalité une fausse détection la plupart du temps. Un artefact. Philippe Salomé, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre ? Oui, je pense que effectivement, c'est intéressant de voir le travail de thèse, là, qui, enfin, le commentaire sur son propre travail de thèse, et qui montre bien, je pense, le peut-être qu'il ne mesure pas, mais le changement que Alma a pu apporter. Alma, c'était un instrument qu'on attendait, hein, c'est 50 antennes au Chili, à 5000 mètres d'altitude, dans le désert de l'Atacama, qui permet vraiment de passer d'un cran à un cran supérieur dans l'exploration du gaz et de la poussière des galaxies, d'autres domaines aussi, mais pour les galaxies, en tout cas du gaz et de la poussière, et puis atteindre des objets à plus grande distance. Donc c'est vraiment un instrument qui a changé les choses, je pense. Il y a eu beaucoup de travaux qui avaient été faits avec l'IRAM, hein, l'Institut de radioastronomie millimétrique, et son interféromètre qui a beaucoup déblayé le sujet, je pense, et qui maintenant va être étendu dans un télescope qui va être très très puissant également. Donc tout ce domaine de l'observation du gaz et de la poussière dans le domaine radio, donc quand je dis radio, on parle des gigahertz, là, du coup, on traque les molécules et le gaz via les molécules ou la poussière. Cet instrument a vraiment apporté quelque chose de nouveau, je pense. Et on va en reparler dans un instant de celui-là et de ceux à venir. Galaxies 2 d'Enrico Coreggia par l'orchestre de la radio nationale roumaine, puisque nous parlons de galaxies primordiales, primitives. Alors peut-être qu'il faut affiner ce qualificatif. Nous parlons en tout cas des galaxies noires, telles qu'elles apparaissent dans une publication dans la revue Nature, une publication co-signée par David Delbas qui est avec nous et qui est astrophysicien au CEA. Nous en parlons également avec Philippe Salomé qui est astronome à l'Observatoire de Paris au sein du laboratoire d'études de la matière et du rayonnement en astrophysique et atmosphère. Peut-être un mot justement sur cet instrument, sur ce radiotélescope ALMA. Philippe Salomé vient d'en dire un mot, donc à plus de 5000 mètres d'altitude dans les Andes, au nord du Chili, dans l'un des endroits les plus arides du monde, ce désert d'Atacama. Pourquoi est-ce que ces radiotélescopes-là, on en a parlé d'autres, on a pu parler par exemple d'Event Horizon Telescope qui a permis de former la première image du trou noir, ces grands radiotélescopes. Qu'est-ce qu'ils ont de différent ? Pourquoi est-ce qu'ils ont permis justement cette observation, David Delbas ? Justement, vous faites bien de citer le Event Horizon Telescope, parce que le Event Horizon Telescope, c'est la combinaison de 8 observatoires, dont ALMA. Dont ALMA qui en fait partie. Et voilà. Et donc, et ALMA, lui, avec une 60aine d'antennes. Et donc, il y a déjà une première chose à savoir, c'est qu'on observe, que ce soit pour le trou noir de Messier 87, comme pour ces galaxies-là, à des grandes longueurs d'onde, et on utilise la technique de l'interférométrie. Donc, si on voulait avoir un télescope de la taille pratiquement de la surface de la Terre, pour les Event Horizon Telescope, ou bien de plusieurs, disons, de 16 km avec ALMA, si on voulait avoir un télescope de cette taille-là, ça serait impossible à fabriquer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre des petits bouts du télescope et puis les combiner ensemble pour faire l'équivalent de ce télescope, mais on en a que des petites fractions, des petites parties. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire tout ça. La technique va nécessairement reposer sur l'idée que comme la lumière est une onde, il faut mesurer le moment très précis avec une fraction de seconde de précision infime, le moment où la lumière est arrivée pour suivre cette onde. Et donc il faut des horloges atomiques, et il faut des corrélateurs pour combiner la lumière, il faut toute une technique compliquée, puis ensuite une technique d'analyse du signal. Donc ALMA, c'est un interféromètre dans l'endroit le plus sec du monde, hein, à part en Antarctique où il y a un peu de compétition, mais c'est vraiment un interféromètre. Hein, et dans un endroit qui est complètement isolé de toute émission parasite, etc. Donc, où on retrouve finalement des petits villages indiens, anciens, etc. Et c'est aussi la collaboration des États-Unis, de l'Europe et des pays est-asiatiques, donc le Japon, Corée du Sud et Taïwan. Donc c'est un cas exceptionnel de collaboration quasiment à l'échelle planétaire. Alors qu'en général, il y a une compétition entre les Européens et les Américains. Donc c'est ça l'aboutissement auquel on parle. Et disons que la découverte dont on parle, elle s'est appuyée sur des connaissances qui ont commencé avec des télescopes au sol, comme l'IRAM, qui est un télescope français, et puis avec des satellites comme ISO, Spitzer, Herschel, dont certains européens, qui ont préparé le terrain pour avoir cet angle de vue le plus fin possible pour aller chercher avec ALMA ces découvertes. Et donc, on est dans une nouvelle ère où maintenant, on voit dans l'univers le plus jeune, avec une précision qu'on n'aurait pas imaginé avoir sur des galaxies proches à l'époque de l'émission de radio de 1976 dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez sélectionné la zone d'observation qui s'appelle la zone Goods Sud? Pourquoi est-ce que c'est cet endroit-là? Et est-ce qu'on peut extrapoler, alors c'est toujours un peu dangereux d'extrapoler en astrophysique, mais tout de même, compte tenu de la densité, du nombre de galaxies noires que vous avez trouvées, que vous auriez pu trouver le même type de résultat en observant un autre endroit? Oui, alors, donc en fait, dans l'étude qu'on a fait pour éviter les problèmes qui seraient liés au fait qu'on regarde une région spécifique, on a regardé 4 régions. Donc Goods Sud en est une, il y en a 4 régions complètement différentes les unes des autres, les endroits complètement différents, et qui sont des régions sur lesquelles on pointe les plus grands télescopes du monde depuis des années pour avoir les images les plus profondes. C'est ce qui fait qu'on combine toutes les longueurs d'onde pour avoir ces cartes d'identité de ces régions du ciel et des galaxies qu'on observe. En combinant 4 régions du ciel, on a l'espoir que ce soit un résultat qui soit représentatif, parce que ça serait une drôle de coïncidence qu'on tombe 4 fois sur une région spéciale de l'univers. Alors, on va revenir sur ces galaxies noires, sur ce que ces observations nous disent et comment elles complètent un peu ce puzzle des premiers milliards d'années de l'univers. On a entendu quelque chose dans le reportage tout à l'heure qui est intéressant, qu'on n'a pas encore tout à fait commenté, sur lequel j'aimerais avoir votre impression et votre analyse. Ces galaxies, donc, elles sont extrêmement massives, elles sont très nombreuses. On ne les voit pas dans le domaine du visible à cause de toute la poussière qui empêche justement la lumière de nous parvenir. Et elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles forment énormément d'étoiles. C'est-à-dire que ce sont des galaxies en pleine activité, ce sont des galaxies adolescentes en quelque sorte, Philippe Salomé. Oui, on va en discuter, je pense qu'on va revenir là-dessus. Je voudrais juste commenter un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la sélection en fait de ces sources. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce résultat, c'est aussi, et on en discutait un petit peu avec David, c'est tout le travail Opera Lab qui a eu lieu pour la sélection de ces sources. C'est-à-dire que le résultat avec ALMA qui apporte justement la mesure du taux de formation d'étoiles, qui apporte des confirmations de ce que sont ces sources, etc. C'est très intéressant, mais c'est aussi ce résultat est aussi le fruit d'un travail qui a duré de nombreuses années. David nous en parlera et qui est construit sur justement l'utilisation intelligente de grands relevés de galaxies, donc des cartes de champs ou bien très grandes ou bien très profonds qui ont été observées dans différentes bandes de filtres, donc à différentes longueurs d'onde, et qui donnent donc dans une partie pour une partie de l'espace des informations dans toutes les couleurs d'un nombre incroyable de galaxies. Et donc là-dedans, et ben il faut tamiser un petit peu pour essayer de récupérer, de filtrer quelles sont les sources qui pourraient être intéressantes. Et là-dedans, il y a un travail qui est remarquable, je trouve, pour l'identification de ces sources et leur suivi. Et ce qui est d'ailleurs particulièrement intéressant significatif. Ouais, significatif, pardon. C'est que dans cet échantillon, finalement, le taux de succès de détection avec ALMA dans le suivi est extrêmement grand. C'est-à-dire que ces sources ont été bien choisies. Donc il y a un gros travail qui a été fait dans la présélection. Et ce gros travail, il est particulièrement intéressant. Donc juste pour donner peut-être une petite indication de comment ça a fonctionné, David, tu corrigeras ou tu complémenteras. Mais on parlait tout à l'heure des galaxies qui sont différentes avec leur morphologie, leurs propriétés. Bon, maintenant, si on observe les galaxies dans différentes longueurs d'onde et qu'on essaye de reconstruire le spectre d'émission à toutes ces longueurs d'onde, c'est-à-dire quelle est la puissance qui va être émise dans chaque couleur, en fait. Et bien, on va voir que cette émission en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la fréquence, a une forme très précise, a une forme très particulière selon les galaxies. Mmh. Les galaxies qui vont former des étoiles vont avoir plus de lumière bleue et moins de lumière rouge. Les galaxies qui vont pas former d'étoiles vont être beaucoup plus rouges. Et puis, il y a plein d'autres petits indices, comme des cassures dans ce spectre, des cassures au niveau de l'arrêt de Lyman, au niveau partout là où il y a l'hydrogène, en fait, qui absorbe le rayonnement, il va y avoir des cassures. Et donc, l'idée de ces filtres, c'est d'aller chercher ces cassures pour distinguer les galaxies. Et donc, faire des catégories et faire des sous-échantillons et faire leur suivi. Et ça a permis, je pense, de bien sélectionner les sources à suivre avec un instrument particulièrement performant qui est ALMA. Et le taux de succès et le résultat est intéressant parce que les sources sont bien choisies. Et du coup, avec un instrument très puissant, évidemment, le résultat est très intéressant. David Elbaz, pour compléter à ce propos. Oui, c'est vrai que c'est en fait, il faut considérer que, disons que ça a pris environ 5-6 ans en tout pour arriver à ce résultat-là avec toutes ces méthodes de sélection. C'est un peu comme si, imaginez que vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin et que cette aiguille ait une forme, par exemple, particulière. Elle dessine des petites boucles. À ce moment-là, vous la trouverez plus facilement que si elle était linéaire. Donc, ce qu'on cherche, c'est des petites signatures comme ça et puis des indices pour mener notre enquête. Donc, effectivement, il y a une connaissance de ça. Alors, qu'est-ce qui fait cette lumière? Il faut savoir qu'une galaxie, elle a des étoiles petites qui vivent longtemps et qui rayonnent principalement dans le rouge ou l'infrarouge, et des étoiles grosses, massives, qui vivent moins longtemps et qui rayonnent principalement dans le bleu ou l'ultraviolet. Mmh. Et donc, c'est la combinaison de ça qui va s'additionner et qui va faire la forme de ce qu'on appelle le spectre d'une galaxie. Et la clé, c'est la suivante. Une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil fait 4000 fois la lumière du Soleil et vit 10 millions d'années. Le Soleil vit 10 milliards d'années. Donc, si vous voyez de la lumière ultraviolette qui vient de ces étoiles massives, vous savez qu'elles viennent de naître parce que 10 millions d'années après, elles mourront. Et que 10 millions d'années à l'échelle cosmologique, voilà, c'est un battement de... Donc, c'est ça qu'on utilise. On utilise le fait qu'on voit des étoiles dont la signature montre qu'elles viennent de naître pour avoir une idée du film à partir des photos. Bien sûr. Et alors justement, à propos de cette genèse d'étoiles, de cette genèse stellaire dans ces galaxies noires, beaucoup de formations d'étoiles. Donc ça signifie que ce qu'on voit, c'est on les voit à un moment où elles sont encore très jeunes. Qu'est-ce que ça signifie déjà qu'elles soient alors, à ce point-là en formation d'étoiles? Et question subsidiaire, est-ce qu'on a une idée de la façon dont elles évoluent? Alors, tout à fait. Donc il y a d'une part... le mot qu'on a employé, c'était le fait que c'est un peu comme le chaînon manquant entre deux populations de galaxies. À ces époques très jeunes de l'histoire de l'univers, on connaissait des bébés galaxies qui sont principalement des sources de lumière dans l'ultraviolet et qui ont des toutes petites masses et qui avaient été détectées par le télescope spatial Hubble. Et puis on connaissait aussi, à partir des télescopes dont on parlait tout à l'heure, dont l'IRAM et autres, SCUBA, on connaissait des galaxies qui étaient des monstres. Qui faisait très grande quantité d'étoiles, mais qui était très rare. La première qui a été découverte avait été découverte en 98 avec un télescope à Hawaï. Il a fallu 12 ans, il a fallu 14 ans pour identifier cette galaxie-là avant ALMA et pour s'apercevoir qu'elle faisait beaucoup d'étoiles, etc. Et donc c'est un monstre rare. Et il s'avère que cette galaxie-là était en fait ce qu'on appelle aujourd'hui une galaxie noire. Exactement. Ouais. C'était quelque part la première galaxie noire, mais 14 ans, c'est beaucoup. Là, il a fallu 1,8 minutes. Oui, ça va plus vite. Et en plus, cette galaxie-là faisait 5 fois plus d'étoiles que les nôtres. Et en d'autres termes, elle était très rare. Celles qu'on a découvertes sont intermédiaires, c'est-à-dire que ce sont des galaxies qui forment des étoiles à un rythme important, mais qui est normal pour l'époque, et qui sont donc l'essentiel de la formation des galaxies géantes et massives. Et ensuite, vous avez posé la question, Mais que vont-elles devenir? Alors, par chance, il se trouve que la galaxie hôte du trou noir dont on parlait tout à l'heure, qui a été observée par l'Event Horizon Telescope et avec ALMA, M87, est l'une des candidates descendantes d'une galaxie noire. Je suis prêt à parier que l'ancêtre de cette galaxie-là était une galaxie noire. C'est une galaxie qui est massive, qui est très massive et qui est située au centre d'un amas de galaxies. Elle est donc dans une région particulière de l'univers. Et donc, les galaxies géantes dont on parle, même si elles sont nombreuses, elles sont beaucoup moins nombreuses que les bébés galaxies. Et elles sont, on le pense, dans des régions privilégiées de l'univers qui vont être les germes des amas de galaxies qu'on verra aujourd'hui. Et on les utilise aujourd'hui avec mon étudiante Liu Wenjiajiu, qui est en train de travailler pendant qu'on parle dessus, pour identifier des amas de galaxies au moment de leur formation, grâce à ces phares qui nous indiquent, regardez, c'est là où il faut regarder. Philippe Salomé, justement, sur cette notion de chaînon manquant et sur éventuellement la confirmation de ce scénario que vient de décrire David Elbaz. Oui, donc ce qu'on voit, si on regarde l'univers très proche, on voit un univers très structuré, avec donc des amas de galaxies bien identifiés, avec des galaxies massives centrales, et puis des galaxies plutôt elliptiques passives dans l'amas, puis aussi quelques spirales, mais plutôt à l'extérieur de ces amas. Je rappelle juste que quand on dit très proche, ça n'est pas juste proche de nous dans l'espace, c'est proche de nous dans le temps aussi. Oui. Ça va mieux en le précisant. Merci. Du coup, pour revenir à la croissance de ces structures, la formation de ces structures, on est très intéressé de savoir comment ces amas se sont formés, à quel moment ils se sont formés. On sait que on commence à détecter des proto-amas autour de Z égale 2, plusieurs gigaières, 4-5 gigaières autour... Après le Big Bang. Mais on a envie de remonter plus loin pour savoir où étaient ces germes-là. Alors on savait, depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, un petit peu moins, qu'il y avait des galaxies rouges, éteintes, très massives. Ça, c'était surprenant, parce qu'on aurait pu se dire les galaxies se forment par fusion, elles croissent, donc elles sont d'abord spirales. Puis on sait que si deux spirales fusionnent entre elles, elles vont brûler toutes leurs étoiles, brûler tout leur gaz, former beaucoup d'étoiles, devenir une elliptique. On a envie de se dire, au début, il y a plein de spirales, et puis à la fin, on finit avec que des elliptiques. Non, pas du tout. En fait, il y a très longtemps, il y avait déjà des elliptiques éteintes. Donc, le mécanisme de formation d'étoiles n'est pas un mécanisme simple, linéaire, il est multiple. Et il nous indique aussi comment se forment ces grandes structures. Donc, quand on remonte tout doucement au germe de ce que vont être les galaxies qui se trouvent aujourd'hui au centre des grands amas, les plus grandes structures que l'on connaisse, on apprend non seulement comment évoluent ces galaxies, mais on commence aussi à toucher du doigt comment vont évoluer ces structures. On commence à voir, peut-être pouvoir rechercher des proto-amas encore plus loin, des associations de galaxies, pour voir à quel moment les galaxies se sont mises en place en une structure gravitationnellement plus compacte, en tout cas pas encore liée, mais les galaxies ont commencé à se... Oui, on peut dire que quelque part on a trois outils pour tester nos théories sur la gravité et la façon dont la lumière est née, les étoiles, etc. Un, les trous noirs galactiques. Des trous noirs galactiques de 1 milliard de masses solaires nés très tôt dans l'histoire de l'univers sont un défi, on ne sait pas les faire. Deux, les galaxies géantes dont on parle, les galaxies noires, nées aussi autour d'un milliard d'années. Bon, c'est très rapide, il faut le rappeler, c'est très très rapide. Il y a assez de matière noire pour les faire, mais par contre, il faut expliquer comment la matière est tombée là-dedans rapidement. Ça c'est deux. Trois, les amas de galaxies, dont Philippe vient de parler, qui sont aussi un laboratoire qui permet de tester nos théories, parce que les premiers amas de galaxies qui se sont formés, s'ils se sont formés trop tôt ou s'ils sont trop massifs par rapport à ce qu'on attend, ça va être aussi un défi. Il y a aussi aujourd'hui des défis sur le nombre d'amas de galaxies qu'on observe dans l'univers par rapport à celui qu'on attendrait à partir des germes. Ça colle pas. Donc, les gens se battent. Certains disent « Oh oui, mais c'est parce que... les neutrinos ont une masse, peut-être que la matière noire n'est pas exactement ce qu'on... » Bon, il y a un défi. Et ce défi, on est incapable de dire aujourd'hui comment il va être résolu. Alors, aussi bien Philippe que moi, nous sommes ce qu'on appelle les observateurs. C'est-à-dire que nous, on essaye de trouver les observations qui vont être les plus pertinentes pour nommer le défi. Maintenant, après, il faut confronter ça aux théories. C'est ça, il faut des théoriciens. Voilà, il faut des théoriciens derrière qui vont jouer avec ça. Et les théoriciens, parfois, aiment bien l'observation. Mais la plupart du temps, quand l'observation les questionne, ils aiment bien dire que l'observation doit être incertaine. avant de remettre en question leur modèle. Donc on aime bien se titiller un peu les uns les autres. Petite querelle entre les théoriciens et les observateurs. Bien entendu, c'est nous qui avons raison. Hein. C'est évidemment toujours les observateurs qui ont le dernier mot. Voyons, bien sûr, puisque vous voyez la réalité. Une question tout de même, peut-être un mot sur ce que ces observations de galaxies noires peuvent nous dire et si elles nous donnent des indices sur cette grande énigme qu'est la matière noire, Philippe Salomé. Alors, je vais encore une fois ne pas répondre directement à la question. Parce que allez-y, en revanche, on arrive dans les dernières minutes quand il va falloir qu'on avance un peu. Sur la formation d'étoiles, parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question de la formation d'étoiles. Et c'est très intéressant de savoir si ces galaxies forment des étoiles ou pas, parce que ce qui dirige la croissance des galaxies, c'est leur capacité à former des étoiles. C'est les étoiles qui vont faire grossir les galaxies. Et donc, savoir, essayer de mieux comprendre comment les étoiles se forment et comment la formation d'étoiles est éteinte dans ces galaxies massives, dans les premiers âges de l'univers, c'est très intéressant parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait des phénomènes de rétroaction capables de contrôler la formation des galaxies, ou en tout cas leur croissance. On sait qu'il y a une croissance corrélée du trou noir et de la galaxie, donc c'est extrêmement intéressant de se dire qu'on va pouvoir se poser ce genre de questions dans les tout premiers temps et de savoir si il y a plusieurs chemins de formation d'étoiles et de croissance des galaxies. Est-ce que le mécanisme de rétroaction est quelque chose d'universel? Est-ce que ce sont des choses qui évoluent avec selon l'environnement, selon la densité de l'environnement? C'est des questions extrêmement intéressantes. C'est pour la matière noire. Oui, ça apprend des choses sur la matière noire parce qu'on pense que les galaxies se forment dans les halos de matière noire. Donc comprendre la formation de ces galaxies, ça implique des choses sur les modèles et surtout comment les modèles de simulation numérique arrivent à former des galaxies dans ces halos de matière noire qui ont les propriétés telles que celles qu'on observe. David Elbaz, sur la matière noire en quelques mots. Oui, sur la matière noire en quelques mots. Disons que si on prend le fond diffus cosmologique tel qu'on connaît, avec ces petits germes de matière noire dont je parlais tout à l'heure, qui sont nécessaires pour former les galaxies, eh bien, on prévoit qu'il y a suffisamment de ce qu'on appelle des halos de matière noire, en gros des galaxies de matière noire, des puits de matière noire pour faire ces galaxies-là. Donc en pratique, ces galaxies sont les légitimes dans un cadre où il y a de la matière noire. Même si on n'a pas prouvé qu'il y a de la matière noire, elles sont tout à fait légitimes. Là où elles posent un problème majeur à nos théories aujourd'hui, c'est que, comme la matière noire est trop efficace, on a mis tellement de physique complexe pour expliquer l'univers qu'on observe aujourd'hui que, finalement, aucune de ces galaxies-là n'est compatible avec les modèles de formation des galaxies qu'on a aujourd'hui. Donc, il va falloir les réviser. Et ce qui va se passer demain, ça sera intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'on a vraiment la possibilité de les réviser au point d'arriver à coller avec tout ce qu'on observe? Parce que si on arrive à un moment où ça colle pas dans l'univers proche, si on arrive à faire l'univers lointain et inversement, alors ça sera peut-être que notre compréhension de la matière noire est un peu fausse, c'est-à-dire que peut-être qu'elle avait un comportement un peu différent avant qu'aujourd'hui, etc. Et pour ça, on a un satellite qui s'appelle Euclide, dont l'objectif est de tester comment se comporte la matière noire aujourd'hui, dans le passé, etc. Et ça va être l'un des enjeux majeurs d'Euclide, de tester la gravité et la matière noire dans le futur proche. Donc, on va avoir des informations là-dessus. Et on va en reparler, parce que tester un composant hypothétique de l'univers avec un satellite réel, c'est assez passionnant. Et puis, bien sûr, pour la suite des galaxies noires, ce sera le James Webb Télescope. Tout à fait. Oui. Là, c'est vraiment... vient d'être assemblé cette semaine. Et qui sera lancé en 2021. Et lui, il verra ces galaxies-là comme le nez au milieu de la figure. Un gros nez. Un gros nez. Ben, on vous réinvitera avec le gros nez, ou en tout cas les résultats du gros nez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Salomé, merci David Elbaz, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Alexandra Delbonne, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation. Demain, nous parlerons bien du futur des réseaux sociaux quand ceux-ci se seront mis à développer leur propre crypto-monnaie, comme l'a annoncé Facebook. Les réseaux sociaux vont-ils trop loin dans leur conquête du monde? Mais on essaie d'avoir quelques éléments de réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.